As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 versions, Slayer, Savatage, Possessed, Nasty Savage, Days of Flesh, Gorgots, DBC, Angel Witch, and more! Sylvain Latour ici à la barre de Subversion, le Metal Show. Première édition, édition du 25 septembre 2015. Oui, c'est le retour de Tower of Death, DJ Tower of Death. Ce nom va sonner familier pour certaines personnes qui l'ont jamais entendu, mais qui l'ont vu amplement entre les sets là, des bands qui jouaient dans certaines soirées de concerts mémorables à Rouyn-Noranda durant une période spécifique entre 1998 et 2006. Tandis que d'autres l'ont entendu, mais certains l'ont jamais vu, puisqu'ils faisaient une émission de radio à CIRC, la radio communautaire de Rouyn-Noranda, dans les années 80. Et justement, nous sommes à l'aube de l'automne présentement. Et il y a 30 ans, à pareille date, je passais seul à la barre de cette émission qui s'appelait Metal Militia à CIRC. Donc, le premier bloc musical va avoir un peu pas mal rapport avec ça, étant donné qu'on va rester dans les années 80. Juste avant d'y passer, je dois mentionner que durant l'émission, on aura une mini-entrevue là, téléphonique avec notre ami Michel Monette, alias Mike TMG, qui va nous faire part de son expérience au Record Market dans le cadre du festival Wings of Metal qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Et puis, je voulais dire aussi d'emblée que la première pièce qui va jouer dans cette toute première édition de Subversion sera une demande spéciale déjà, et justement d'un ancien auditeur de CIRC et de Metal Militia principalement, notre ami Rod, qui aimait beaucoup le groupe Possessed. Donc, dans le bloc, on aura Nasty Savage, Savatage, mais d'abord Possessed avec Seven Churches sur Underground Québec Radio. Blood. We'll be right back. Et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas entendu ce vinyle. Savatage ou Savatage, originaire de la Floride, avec Holocaust tiré de Sirens, paru en 1983. Et juste avant, un autre groupe pionnier, un groupe phare de la scène floridienne qui a servi de modèle d'inspiration pour des bandes comme Morbid Angel, Nocturnus, Atheist et compagnie. Nasty Savage avec Aromantic Vertigo sur l'excellent EP Abstract Reality de 1988, à conseiller fortement pour ceux qui ont vraiment raté cet épisode de Nasty Savage. Et avant, au début du bloc, on avait eu Possessed avec Seven Churches de 1985 de l'album du même nom, en demande spéciale pour Rodney Hallhorn de Rouyn-Noranda. Pour nos cousins français qui nous écouteraient en ce moment, Rouyn-Noranda, c'est à 666 km au nord-ouest de Montréal, d'où je postule présentement. Donc, le bloc prochain sera un bloc québécois avec Habitabis, justement un groupe originaire de Rouyn-Noranda. Aussi DBC qui feront un retour encore une fois pour des spectacles bientôt à surveiller à Montréal et à Québec. Mais d'abord, Gorguts, dans une dualité vocale spectaculaire du métal moderne avant son temps. Entre Luc Lemay et Steve Urdall. Earthly Love. Vous écoutez cette version sur Underground Québec. We'll be right back. Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. Tu claires par semaine? Oui, c'est bien certain que je claire pas assez, mais un de mes beaux-frères travaille en Ontario. Lui, il fait quelque chose comme 35 piastres de l'heure. Ça fait quelque chose comme 56 piastres et quelques avec le bonus, me semble. Comment ça fait un bon salaire, ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses, oui, mon Raoul? Oui, qu'est-ce que j'en pense? Ici, ça paye pas assez qu'elle pense. Tu vas voir, moi, je vais te jumper, ça sera pas bien long. True Black, pièce marquante de leur dernier album Rural Metal, paru plus tôt cette année. Très bonne pièce de ce quatuor agrico-metal infernal de Rouyn-Noranda. Pour les avoir vus en spectacle aux Catacombes cette année, particulièrement durant cette pièce, vraiment une performance intense, à un point de pulvériser l'auditoire, je dirais, à un degré d'hypnose. C'est pas peu dire. Donc, oui, mémorable et vraiment à voir en spectacle à Bitabis. D'ailleurs, on devrait les avoir en entrevue dans 2-3 semaines. Ça pourrait même coïncider avec la semaine de la Haas, comme dirait Raoul, le batteur. Et ce serait sûrement intéressant de s'entretenir justement avec ces sympathiques personnages du secteur primaire. Auparavant, dans le bloc, on avait eu DBC avec Thresholds de l'album Universe, paru en 1989. Et d'emblée, Gorguts Earthly Love avec de l'album Obscura, paru en 98. Parlant de Gorguts, on sait qu'il y aurait un album de prévu début 2016. Luc Lemay a déjà fait état, justement, à propos de l'exercice de création, se voyant inspiré de ce que Porcupine Tree, Meshuggah et Dead Spell Omega, entre autres, ont déjà accompli comme concept avec une pièce unique. Je pense que ça dure quelque chose comme 34 minutes. Quand j'ai rencontré Luc Lemay la dernière fois, j'ai eu droit à une écoute préventive d'une pré-production instrumentale qui représente la direction justement du nouvel album. Et puis tout ce que je peux dire pour le moment, c'est attendez-vous à quelque chose de très audacieux de ce fameux quatuor. Dans quelques minutes, une nouveauté de Slayer, mais avant, une collaboration spéciale avec un observateur de longue date, collectionneur émérite et bon ami Michel Monette, alias Mike TMG de Warfare Records. Anciennement de Warfare Records, il va nous entretenir de son expérience au Wings of Metal Festival, principalement le Record Market qui clôturait le festival en question, qui se tenait au Catacombes dernièrement. Et je me suis donc entretenu avec lui l'autre matin. Voici ce que ça a donné. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette. The Metal Guy. Fait partie toi-même non seulement tu as fait l'expérience, mais tu faisais partie des revendeurs de disques au Wings of Metal Festival, principalement au Record Market, c'est bien ça? Effectivement, ça s'est passé dimanche passé au Catacombes à Montréal. Plusieurs personnes ont participé. Je pense qu'il y avait peut-être une vingtaine de kiosques qui s'étaient arrangés avec le festival, le Wings of Metal, donc deux jours de spectacle et une journée de market. Ça fait, je pense, que c'est la troisième édition qui est produite par DP cette année. Oui, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu as observé, toi, premièrement, parler un petit peu du roulement là, assez rapide là, des reventes puis tout ça, mais à part de ça, qu'est-ce que tu as observé principalement au niveau des vinyles qui étaient disponibles, la marchandise là-bas? Mais moi, ce qui m'a beaucoup étonné, mais j'étais quand même un peu au courant parce que je suis beaucoup en ligne. Moi, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un collectionneur de musique. J'aime beaucoup la musique, bien sûr, l'écouter, en jouer, mais aussi garder le produit. Donc, j'aime beaucoup les cassettes, les disques, les CD, les VHS, les vinyles, les chandails, les patchs, les posters, bref, la liste est très longue. Fait que j'ai trouvé ça le fun de me retrouver avec des gens qui ont la même passion que moi, soit des acheteurs ou soit des vendeurs. Donc, finalement, que les deux côtés de la culture, fait que tu peux discuter avec des gens qui cherchent, discuter avec des gens qui vendent. Donc, c'est une osmose qui est très divertissante parce qu'on est dans le même bag, là. On aime tout le heavy metal, le thrash metal, le death metal, le grindcore, etc. Fait que c'est fun de se retrouver avec des gens comme ça sous le même toit. Changement de sujet comme ça, finalement, as-tu écouté le nouveau Slayer? Oui, j'étais le nouveau Slayer. Très rapidement, je me suis procuré hier soir à ta requête, donc, ça fait une écoute très rapide, mais je savais pas à quoi je m'attendais, puis j'avais vu le vidéoclip, j'avais entendu que tes extraits en ligne, parce que, évidemment, c'est une cachette avec Internet. On peut tout avoir instantanément. Et tel quel, très rapidement, pour ce qui est du nouveau Slayer, il est bon. Il n'est pas excellent, il est bon, c'est-à-dire que c'est un peu une suite de ce qu'on connaissait déjà. Donc c'est une suite de World Painted Blood, c'est un peu une suite de Christ Illusion. On réinvente pas la roue, c'est sûr. C'est normal qu'au niveau musical, il manque un instatif, c'est-à-dire Jeff Hanneman et aussi Dave Lombardo. Donc j'ai l'impression que c'est légèrement du réchauffé. L'élément Gary Holt est intéressant sur papier, mais en musique, c'est-à-dire quand on écoute le disque, qui était là, ou que ce soit du Kevin production seule, moi, j'arrive pas à sentir l'effet Holt à l'intérieur de l'album. C'est un peu ce que je pensais moi-même, d'ailleurs. As-tu l'impression, justement, que depuis justement les années 2000, là, depuis les 20 dernières années, as-tu l'impression que tu attends toujours d'être surpris par Slayer, mais ça arrive pas parce que dans le fond, les boundaries, comme on dit, ils ont vraiment fracassé là, dans les 4-5 premiers albums. Là. Ben, c'est une excellente question, hein, Sylvain. C'est pas seulement avec Slayer, mais c'est avec tout groupe qui ont plus que 6 albums dans leur catalogue. À un moment donné, quand t'as fait le tour de la roue plusieurs fois, c'est très, très, très, voire même impossible de surprendre ton public ou même te surprendre toi-même. Donc, par exemple, pour ce qui est de ta question, pour ce qui est de Slayer, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté pas mal autour de Divine Intervention, c'est autour de 94. La fin des années 90, ça a été assez générique. Il y a eu un retour, justement, avec Dave Lombardo, le percussionniste, en 2006-2007. Donc, quoi que les villes étaient légèrement différents, mais depuis ce temps-là, ils sont encore sur le même paquet. Donc, finalement, ils n'ont jamais, et je pense qu'ils n'arriveront jamais non plus, qu'ils regagnent l'intérêt avec la créativité qu'il y avait sur ce show de Mercy ou soit sur South of Heaven. Donc, ces choses-là font malheureusement, heureusement, tout dépendant de votre perception, ça fait partie du passé. Et musicalement, c'était très difficile pour un artiste, justement, de se réinventer à chaque trilogie de 2 ou 3 albums et de toujours émerveiller son public ou s'émerveiller soi-même en tant que musicien et compositeur. Donc, c'est très difficile, comme on dit en anglais, stick to your guns. Il y en a qui le font. Il y en a des groupes, que ce soit genre ACDC ou Motorhead, qui font la même affaire depuis 30 ans et plus. Puis ça, c'est fine with that. Avec Slayer, c'est un peu aussi le même type de pattern. Ils ont toujours été extrêmement élevés, toujours extrêmement sincères envers eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas d'album mou, en parenthèse, versus d'autres bands de ce style de musique-là qui ont justement fait un certain virage début, mi-90, pour être plus alternatif ou plus punk ou plus pop, et ensuite revenir. Donc, c'est sûr que Slayer, dans les top 10 noms du métal, c'est toujours eux qui sont restés vraiment sincères à leur son d'origine. Mais c'est normal que plus on creuse, on voit qu'il y a eu quand même des changements et que certains fans, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'était mieux avant des ans, donc avant la période de début 90, qu'il y en a depuis ce temps-là. Bon, ça, depuis 2000, et depuis le retour, c'est un peu linéaire. Fait que pour ce qui est du nouvel album, effectivement, il se catégorise plus dans la dernière sélection, c'est-à-dire un peu linéaire depuis Christ Illusion, World Painted Blood et le nouvel album de Pinterest. Bon, en tout cas, au pire, allez, on va quand même lui redonner une chance, quelques écoutes à cet album-là. D'ailleurs, on va en écouter une nouvelle pièce de Slayer. Fait que je te remercie, Michel, pour cette Divine Intervention. She's staring at the atrocity vendor, a fucking equal opportunity. Lost City Vendor de l'album Repentless, le tout nouveau du groupe paru le 11 septembre dernier. C'est vraiment la pièce pour moi qui s'est démarquée, au, du moins aux premières écoutes de l'album. Le genre que tu te vires vers les speakers et puis tu dis « Oui, tu te sens connecté à quelque chose qui ressemble soudainement là, pas mal au bon vieux Slayer du bon vieux temps, mais oh, ça s'arrête direct là finalement. » Et c'est pas maintenu vraiment comme feeling. Je dirais que j'ai, comme dirait le Rockmaster Alain Lefebvre, assez fou à Trois-Rivières, j'ai pas été transcendé par l'album, du moins aux premières écoutes. Comme on disait avec Mike tantôt dans sa chronique, ça va demander peut-être quelques écoutes depuis pour vraiment se fixer là, une bonne opinion de l'album. Mais je dirais que c'est un band qui décidément tente de se maintenir à un standard que les fans et la plupart des fans s'attendent du band, à la hauteur de leur nom, un peu comme les Motorhead, les Overkill ou les Amon Amart, sensiblement le même discours. On fera casse-pied les barrières comme les premiers albums, ça c'est terminé. Donc sans surprise, un nouvel album de Slayer, du moins à date. Ce qui m'a fasciné par contre, c'est la capture de la batterie de Paul Bostaff, soit la capture ou le processing, peu importe qu'est-ce que c'est, mais le son est vraiment fabuleux au niveau des drums sur cet album. Le dernier bloc qui va suivre comprendra Angel Witch. Les Britanniques, ces pionniers du New Wave of British Heavy Metal, qui étaient de passage au Wings of Metal Festival dernièrement, et puis qui ont fait un tabac décidément devant une foule ravie. Et on aura aussi Wintersorg de la Suède, mais d'abord, d'un des albums, probablement un des 5 meilleurs albums de Death Metal, à mon avis, dans les années 2000, de l'album Of What's To Come, Deeds of Flesh, Virvum. émission sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Angel Witch avec Angel of Death, pièce marquante de l'album Angel Witch de 1980. C'était précédé de Wintersong avec Alderman Consorn, de très bonne pièce aussi de l'album éponyme de 1999. Et on avait débuté le bloc en toute brutalité avec Deeds of Flesh, Virvum de l'album Of What's to Come de 2008. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier Alain Roussel alias Raz Evil de l'émission Black Power pour l'opportunité de me joindre à cette équipe de Underground Québec. Alors, ça me fait plaisir de joindre mes forces à celles du mal sur Underground Québec. Alors, la semaine prochaine, j'espère de vous y retrouver. Spread the word pour Subversion. Plus de musique subversive la semaine prochaine. Salut!